Mais chose étrange, je n'éprouvais ni étonnement ni horreur. Si je ressentis une émotion quelconque, ce fut une espèce de satisfaction ou d'épanouissement, en pensant à l'adresse qu'il me faudrait déployer pour me tirer de cette singulière alternative. Je ne fis pas de mon salut définitif l'objet d'un doute d'une seconde. Pendant quelques minutes, je restais plongée dans la plus profonde méditation. Je me rappelle distinctement que j'ai souvent serré les lèvres, que j'ai appliqué mon index sur le côté de mon nez et que j'ai pratiqué les gesticulations et grimaces habituelles aux gens qui, installés tout à leur aise dans leur fauteuil, méditent sur des matières embrouillées ou importantes. Quand je crus avoir suffisamment rassemblé mes idées, je portais avec la plus grande précaution, la plus parfaite délibération, mes mains derrière mon dos et je détachais la grosse boucle de fer qui terminait la ceinture de mon pantalon. Cette boucle avait trois dents qui, étant un peu rouillées, tournaient difficilement sur leur axe. Cependant, avec beaucoup de patience, je les amenai à angle droit avec le corps de la boucle et je m'aperçus avec joie qu'elle restait ferme dans cette position. Tenant entre mes dents cette espèce d'instrument, je m'appliquai à dénouer le nœud de ma cravate. Je fus obligé de me reposer plus d'une fois avant d'avoir accompli cette manœuvre, mais à la longue j'ai réussi. À l'un des bouts de la cravate, j'assujettis la boucle. Et pour plus de sécurité, je nouai étroitement l'autre bout autour de mon poing, soulevant alors mon corps par un déploiement prodigieux de force musculaire, je réussis du premier coup à jeter la boucle par-dessus la nacelle et à l'accrocher, comme je l'avais espéré, dans le rebord circulaire de l'osier. Mon corps faisait alors avec la paroi de la nacelle un angle de 45 degrés environ. Mais il ne faut pas entendre que je fusse à 45 degrés au-dessous de la perpendiculaire, bien loin de là. J'étais toujours placé dans un plan presque parallèle au niveau de l'horizon, car la nouvelle position que j'avais conquise avait eu pour effet de chasser d'autant le fond de la nacelle, et conséquemment ma position était des plus périlleuses. Mais qu'on suppose que, dans le principe, lorsque je tombais de la nacelle, je fusse tombée la face tournée vers le ballon au lieu de l'avoir tournée du côté opposé, comme elle était maintenant, ou, en second lieu, que la corde par laquelle j'étais accrochée eût pendu par hasard du rebord supérieur au lieu de passer par une crevasse du fond, on concevra facilement que dans ces deux hypothèses, il m'eût été impossible d'accomplir un pareil miracle, et les présentes révélations eussent été entièrement perdues pour la postérité. J'avais donc toutes les raisons de bénir le hasard, mais, en somme, j'étais tellement stupéfié que je me sentais incapable de rien faire et que je restais suspendu pendant un quart d'heure peut-être, dans cette extraordinaire situation, sans tenter de nouveau le plus léger effort, perdu dans un singulier calme et dans une béatitude idiote. Mais cette disposition de mon être s'évanouit bien vite et fit place à un sentiment d'horreur, d'effroi, d'absolue désespérance et de destruction. En réalité, le sang, si longtemps accumulé dans les vaisseaux de la tête et de la gorge, et qui avait jusque-là créé en moi un délire salutaire dont l'action suppléait à l'énergie, commençait maintenant à refluer et à reprendre son niveau. Et la clairvoyance qui me revenait, augmentant la perception du danger, ne servait qu'à me priver du sang-froid et du courage nécessaires pour l'affronter. Mais, par bonheur pour moi, cette faiblesse ne fut pas de longue durée. L'énergie du désespoir me revint à propos, et avec des cris et des efforts frénétiques, je m'élançai convulsivement et à plusieurs reprises par une secousse générale jusqu'à ce que, enfin, m'accrochant au bord si désiré, avec des griffes plus serrées qu'un étau, je tortillai mon corps par-dessus et tombai la tête la première et tout pantelant dans le fond de la nacelle. Ce ne fut qu'après un certain laps de temps que je fus assez maître de moi pour m'occuper de mon ballon. Mais alors, je l'examinai avec attention et découvris, à ma grande joie, qu'il n'avait subi aucune avarie. Tous mes instruments étaient sains et saufs et, très heureusement, je n'avais perdu ni lest ni provision. À la vérité, je les avais si bien assujettis à leur place qu'un pareil accident était chose tout à fait improbable. Je regardai à ma montre, elle marquait 6 heures. Je continuais à monter rapidement, et le baromètre me donnait alors une hauteur de 3 300 quarts. Juste au-dessous de moi apparaissait dans l'océan un petit objet noir, d'une forme légèrement allongée, à peu près de la dimension d'un domino, et ressemblant fortement à tous égards à l'un de ces petits joujoux. Je dirigeai mon télescope sur lui, et je vis distinctement que c'était un vaisseau anglais de 94 canons, tanguant lourdement sur la mer, au plus près du vent, le cap à l'ouest-sud-ouest. À l'exception de ce navire, je ne vis rien que l'océan et le ciel, et le soleil qui était levé depuis longtemps. Il est grandement temps que j'explique à vos excellences l'objet de mon voyage. Vos excellences se souviennent que ma situation déplorable à Rotterdam m'avait à la longue poussé à la résolution du suicide. Ce n'était pas cependant que j'eusse un dégoût positif de la vie elle-même, mais j'étais harassé à n'en pouvoir plus par les misères accidentelles de ma position. Dans cette disposition d'esprit, désirant vivre encore et cependant fatigué de la vie, le traité que je lus à l'échoppe du bouquiniste, appuyé par l'opportune découverte de mon cousin de Nantes, ouvrit une ressource à mon imagination. Je pris enfin un parti décisif. Je résolus de partir, mais de vivre, de quitter le monde, mais de continuer mon existence. Bref, et pour couper court aux énigmes, je résolus, sans m'inquiéter du reste, de me frayer, si je pouvais, un passage jusqu'à la Lune. Maintenant, pour qu'on ne me croie pas plus fou que je ne le suis, je vais exposer en détail et le mieux que je pourrai les considérations qui m'induisirent à croire qu'une entreprise de cette nature, quoique difficile sans doute et pleine de dangers, n'était pas absolument, pour un esprit audacieux, située au-delà des limites du possible. La première chose à considérer était la distance positive de la Lune à la Terre. Or, la distance moyenne ou approximative entre les centres de ces deux planètes est de 59 fois plus une fraction le rayon équatorial de la Terre, ou environ 237 000 miles. Je dis la distance moyenne ou approximative, mais il est facile de concevoir que la forme de l'orbite lunaire étant une ellipse d'une excentricité qui n'est pas de moins de 0,05484 de son demi-grand axe, et le centre de la Terre occupant le foyer de cette ellipse, si je pouvais réussir, d'une manière quelconque, à rencontrer la Lune à son périgée, la distance ci-dessus évaluée se trouverait sensiblement diminuée. Mais, pour laisser de côté cette hypothèse, il était positif qu'en tout cas j'avais à déduire des 237 000 miles le rayon de la Terre, c'est-à-dire 4 000, et le rayon de la Lune, c'est-à-dire 1080, en tout 5 080, et qu'il ne me resterait ainsi à franchir qu'une distance approximative de 231 920 miles. Cet espace, pensais-je, n'était pas vraiment extraordinaire. On a fait nombre de fois sur cette Terre des voyages d'une vitesse de 60 miles à l'heure, et en réalité, il y a tout lieu de croire qu'on arrivera à une plus grande vélocité. Mais, même en me contentant de la vitesse dont je parlais, il ne me faudrait pas plus de 161 jours pour atteindre la surface de la Lune. Il y avait toutefois de nombreuses circonstances qui m'induisaient à croire que la vitesse approximative de mon voyage dépasserait de beaucoup celle de 60 miles à l'heure. Et comme ces considérations produisirent sur moi une impression profonde, je les expliquerai plus amplement par la suite. Le second point à examiner était d'une bien autre importance. D'après les indications fournies par le baromètre, nous savons que lorsqu'on s'élève au-dessus de la surface de la Terre à une hauteur de 1000 pieds, on laisse au-dessous de soi environ 1/30 de la masse atmosphérique. Qu'à 10 000 pieds, nous arrivons à peu près à un tiers, et qu'à 18 000 pieds, ce qui est presque la hauteur du Cotopaxi, nous avons dépassé la moitié de la masse fluide, ou en tout cas la moitié de la partie pondérable de l'air qui enveloppe notre globe. On a aussi calculé qu'à une hauteur qui n'excède pas la centième partie du diamètre terrestre, c'est-à-dire 80 miles, la raréfaction devait être telle que la vie animale ne pouvait en aucune façon s'y maintenir. Et, de plus, que les moyens les plus subtils que nous ayons de constater la présence de l'atmosphère devenaient alors totalement insuffisants. Mais je ne manquais pas d'observer que ces derniers calculs étaient uniquement basés sur des connaissances expérimentales des propriétés de l'air et des lois mécaniques qui régissent sa dilatation et sa compression dans ce qu'on peut appeler, comparativement parlant, la proximité immédiate de la Terre. Et, en même temps, on regarde comme une chose positive qu'à une distance quelconque donnée, mais inaccessible de sa surface, la vie animale est et doit être essentiellement incapable de modification. Maintenant, tout raisonnement de ce genre, et d'après de pareilles données, doit évidemment être purement analogique. La plus grande hauteur où l'homme soit jamais parvenu est de 25 000 pieds. Je parle de l'expédition aéronautique de messieurs Gay-Lussac et Biot. C'est une hauteur assez médiocre, même quand on la compare aux 80 miles en question. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que la question laissait une place au doute et une grande latitude aux conjectures. Mais en fait, en supposant une ascension opérée à une hauteur donnée quelconque, la quantité d'air pondérable traversée dans toute la période ultérieure de l'ascension n'est nullement en proportion avec la hauteur additionnelle acquise, comme on peut le voir d'après ce qui a été énoncé précédemment, mais dans une raison constamment décroissante. Il est donc évident que, nous élevant aussi haut que possible, nous ne pouvons pas, littéralement parlant, arriver à une limite au-delà de laquelle l'atmosphère cesse absolument d'exister. Elle doit exister, concluai-je. Quoi qu'elle puisse, il est vrai, exister à un état de raréfaction infinie. D'un autre côté, je savais que les arguments ne manquent pas pour prouver qu'il existe une limite réelle et déterminée de l'atmosphère, au-delà de laquelle il n'y a absolument plus d'air respirable. Mais une circonstance a été omise par ceux qui opinent pour cette limite, qui semblait non pas une réfutation péremptoire de leur doctrine, mais un point digne d'une sérieuse investigation. Comparons les intervalles entre les retours successifs de la comète Encke à son périhélie en tenant compte de toutes les perturbations dues à l'attraction planétaire, et nous verrons que les périodes diminuent graduellement, c'est-à-dire que le grand axe de l'ellipse de la comète va toujours se raccourcissant dans une proportion lente, mais parfaitement régulière. Or, c'est précisément le cas qui doit avoir lieu si nous supposons que la comète subisse une résistance par le fait d'un milieu éthéré excessivement rare qui pénètre les régions de son orbite. Car il est évident qu'un pareil milieu doit, en retardant la vitesse de la comète, accroître sa force centripète et affaiblir sa force centrifuge. En d'autres termes, l'attraction du Soleil deviendrait de plus en plus puissante et la comète s'en rapprocherait davantage à chaque révolution. Véritablement, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre compte de la variation en question. Mais voici un autre fait. On observe que le diamètre réel de la partie nébuleuse de cette même comète se contracte rapidement à mesure qu'elle approche du Soleil et se dilate avec la même rapidité quand elle repart vers son aphélie. N'avais-je pas quelques raisons de supposer, avec M. Valls, que cette apparente condensation de volume prenait son origine dans la compression de ce milieu éthéré dont je parlais tout à l'heure et dont la densité est en proportion de la proximité du Soleil? Le phénomène qui affecte la forme lenticulaire et qu'on appelle la lumière zodiacale était aussi un point digne d'attention. Cette lumière, si visible sous les tropiques, et qu'il est impossible de prendre pour une lumière météorique quelconque, s'élève obliquement de l'horizon et suit généralement la ligne de l'équateur du Soleil. Elle me semblait évidemment provenir d'une atmosphère rare qui s'étendrait depuis le Soleil jusque par-delà l'orbite de Vénus au moins, et même, selon moi, indéfiniment plus loin. Je ne pouvais pas supposer que ce milieu fût limité par la ligne du parcours de la comète, ou fût confiné dans le voisinage immédiat du Soleil. Il était si simple d'imaginer au contraire qu'il envahissait toutes les régions de notre système planétaire, condensé autour des planètes en ce que nous appelons atmosphère, et peut-être modifié chez quelques-unes par des circonstances purement géologiques, c'est-à-dire modifié ou varié dans ses proportions ou dans sa nature essentielle par les matières volatilisées émanant de leur globe respectif. Ayant pris la question sous ce point de vue, je n'avais plus guère à hésiter. En supposant que dans mon passage je trouvasse une atmosphère essentiellement semblable à celle qui enveloppe la surface de la Terre, je réfléchis qu'au moyen du très ingénieux appareil de M. Grimm, je pourrais facilement la condenser en suffisante quantité pour les besoins de la respiration. Voilà qui écartait le principal obstacle à un voyage à la Lune. J'avais donc dépensé quelque argent et beaucoup de peine pour adapter l'appareil au but que je me proposais, et j'avais pleine confiance dans son application, pourvu que je pusse accomplir le voyage dans un espace de temps suffisamment court. Ceci me ramène à la question de la vitesse possible. Tout le monde sait que les ballons, dans la première période de leur ascension, s'élèvent avec une vélocité comparativement modérée. Or, la force d'ascension consiste uniquement dans la pesanteur de l'air ambiant relativement au gaz du ballon, et à première vue, il ne paraît pas du tout probable ni vraisemblable que le ballon, à mesure qu'il gagne en élévation et arrive successivement dans des couches atmosphériques d'une densité décroissante, puisse gagner en vitesse et accélérer sa vélocité primitive. D'un autre côté, je n'ai pas le souvenir que, dans un compte-rendu quelconque d'une expérience antérieure, l'on n'eût jamais constaté une diminution apparente dans la vitesse absolue de l'ascension, quoique tel eût pu être le cas en raison de la fuite du gaz à travers un aérostat mal confectionné et généralement revêtu d'un vernis insuffisant, ou pour toute autre cause. Il me semblait donc que l'effet de cette déperdition pouvait seulement contrebalancer l'accélération acquise par le ballon à mesure qu'il s'éloignait du centre de gravitation. Or, je considérais que, pourvu que dans ma traversée je trouvasse le milieu que j'avais imaginé, et pourvu qu'il fût de même essence que ce que nous appelons l'air atmosphérique, il importait relativement assez peu que je le trouvasse à tel ou tel degré de raréfaction, c'est-à-dire relativement à ma force ascensionnelle. Car, non seulement le gaz du ballon serait soumis à la même raréfaction, et dans cette occurrence, je n'avais qu'à lâcher une quantité proportionnelle de gaz suffisante pour prévenir une explosion, mais, par la nature de ses parties intégrantes, il devait, en tout cas, être toujours spécifiquement plus léger qu'un composé quelconque de pur azote et d'oxygène. Il y avait donc une chance, et même en somme une forte probabilité, pour qu'à aucune période de mon ascension je n'arrivasse à un point où les différentes pesanteurs réunies de mon immense ballon, du gaz inconcevablement rare qu'il renfermait, de la nacelle et de son contenu, puissent égaler la pesanteur de la masse d'atmosphère ambiante déplacée. Et l'on conçoit facilement que c'était là l'unique condition qui put arrêter ma fuite ascensionnelle. Mais encore, si jamais j'atteignais ce point imaginaire, il me restait la faculté d'user de mon lest et d'autres poids montant à peu près à un total de 300 livres. En même temps, la force centripète devait toujours décroître en raison du carré des distances, et ainsi je devais, avec une vélocité prodigieusement accélérée, arriver à la longue dans ces lointaines régions où la force d'attraction de la Lune serait substituée à celle de la Terre. Il y avait une autre difficulté qui ne laissait pas de me causer quelque inquiétude. On a observé que dans les ascensions poussées à une hauteur considérable, outre la gêne de la respiration, on éprouvait dans la tête et dans tout le corps un immense malaise, souvent accompagné de saignements de nez et d'autres symptômes passablement alarmants, et qui devenait de plus en plus insupportable à mesure qu'on s'élevait. C'était là une considération passablement effrayante. N'était-il pas probable que ces symptômes augmenteraient jusqu'à ce qu'ils se terminassent par la mort elle-même? Après mes réflexions, je conclus que non. Il fallait en chercher l'origine dans la disparition progressive de la pression atmosphérique à laquelle est accoutumée la surface de notre corps et dans la distension inévitable des vaisseaux sanguins superficiels. et non dans une désorganisation positive du système animal, comme dans le cas de difficultés de respiration où la densité atmosphérique est chimiquement insuffisante pour la rénovation régulière du sang dans le ventricule du cœur. Excepté dans le cas où cette rénovation ferait défaut, je ne voyais pas de raison pour que la vie ne se maintînt pas, même dans le vide. Car l'expansion et la compression de la poitrine, qu'on appelle communément respiration, est une action purement musculaire. Elle est la cause et non l'effet de la respiration. En un mot, je concevais que, le corps s'habituant à l'absence de pression atmosphérique, ses sensations douloureuses devaient diminuer graduellement, et pour les supporter tant qu'elles dureraient, j'avais toute confiance dans la solidité de fer de ma constitution. J'ai donc exposé quelques-unes des considérations, non pas toutes certainement, qui m'induisirent à former le projet d'un voyage à la Lune. Je vais maintenant, s'il plaît à vos excellences, vous exposer le résultat d'une tentative dont la conception paraît si audacieuse et qui, dans tous les cas, n'a pas sa pareille dans les annales de l'humanité. Ayant atteint la hauteur dont il a été parlé ci-dessus, c'est-à-dire 3 300 quarts, je jetai hors de la nacelle une quantité de plumes et je vis que je montais toujours avec une rapidité suffisante. Il n'y avait donc pas de nécessité de jeter du lest. J'en fus très aise, car je désirais garder avec moi autant de lest que j'en pourrais porter, par la raison bien simple que je n'avais aucune donnée positive sur la puissance d'attraction et sur la densité atmosphérique. Je ne souffrais jusqu'à présent d'aucun malaise physique, je respirais avec une parfaite liberté et je n'éprouvais aucune douleur dans la tête. La chatte était couchée fort solennellement sur mon habit que j'avais ôté et regardait les pigeons avec un air de nonchaloir. Ces derniers, que j'avais attachés par la patte pour les empêcher de s'envoler, étaient fort occupés à piquer quelques grains de riz éparpillés pour eux au fond de la nacelle. À 6h20, le baromètre donnait une élévation de 26 400 pieds, ou 5 miles, à une fraction près. La perspective semblait sans bornes. Rien de plus facile d'ailleurs que de calculer à l'aide de la trigonométrie sphérique l'étendue de la surface terrestre qu'embrasait mon regard. La surface convexe d'un segment de sphère est à la surface entière de la sphère, comme le sinus verse du segment est au diamètre de la sphère. Or, dans mon cas, le sinus verse, c'est-à-dire l'épaisseur du segment situé au-dessous de moi, était à peu près égal à mon élévation ou à l'élévation du point de vue au-dessus de la surface. La proportion de 5000 à 8000 exprimerait donc l'étendue de la surface que j'embrassais, c'est-à-dire que j'apercevais la 1/16 partie de la surface totale du globe. La mer apparaissait poli comme un miroir, bien qu'à l'aide du télescope, je découvrisse qu'elle était dans un état de violente agitation. Le navire n'était plus visible, il avait sans doute dérivé vers l'est. Je commençais dès lors à ressentir, par intervalles, une forte douleur à la tête, bien que je continuasse à respirer à peu près librement. La chatte et les pigeons semblaient n'éprouver aucune incommodité. À 7h20, le ballon entra dans la région d'un grand et épais nuage qui me causa beaucoup d'ennui. Mon appareil condensateur en fut endommagé et je fus trempé jusqu'aux os. C'est à coup sûr une singulière rencontre, car je n'aurais pas supposé qu'un nuage de cette nature eût pu soutenir une si grande élévation. Je pensais faire pour le mieux en jetant 2 morceaux de lest de 5 livres chaque, ce qui me laissait encore 165 livres de lest. Grâce à cette opération, je traversai bien vite l'obstacle et je m'aperçus immédiatement que j'avais gagné prodigieusement en vitesse. Quelques secondes après que j'eus quitté le nuage, un éclair éblouissant le traversa d'un bout à l'autre et l'incendia dans toute son étendue, lui donnant l'aspect d'une masse de charbon en ignition. Qu'on se rappelle que ceci se passait en plein jour. Aucune pensée ne pourrait rendre la sublimité d'un pareil phénomène se déployant dans les ténèbres de la nuit. L'enfer lui-même aurait trouvé son image exacte. Tel que je le vis, ce spectacle me fit dresser les cheveux. Cependant, je dardais au loin mon regard dans les abîmes béants. Je laissais mon imagination plonger et se promener sous d'étranges et immenses voûtes, dans des gouffres empourprés, dans des abîmes rouges et sinistres d'un feu effrayant et insondable. Je l'avais échappé belle. Si le ballon était resté une minute de plus dans le nuage, c'est-à-dire si l'incommodité dont je souffrais ne m'avait pas déterminé à jeter du lest, ma destruction pouvait en être et en eût été très probablement la conséquence. De pareils dangers, quoi qu'on y fasse peu attention, sont les plus grands peut-être qu'on puisse courir en ballon. J'avais pendant ce temps atteint une hauteur assez grande pour n'avoir aucune inquiétude à ce sujet. Je m'élevais alors très rapidement, et à 7 heures, le baromètre donnait une hauteur qui n'était pas moindre de 9,5 miles. Je commençais à éprouver une grande difficulté de respiration. Ma tête aussi me faisait excessivement souffrir, et ayant senti depuis quelque temps de l'humidité sur mes joues, je découvris à la fin que c'était du sang qui suintait continuellement du tympan de mes oreilles. Mes yeux me donnaient aussi beaucoup d'inquiétude. En passant ma main dessus, il me sembla qu'ils étaient poussés hors de leurs orbites, et à un degré assez considérable, et tous les objets contenus dans la nacelle et le ballon lui-même se présentaient à ma vision sous une forme monstrueuse et faussée. Ces symptômes dépassaient ceux auxquels je m'attendais et me causaient quelque alarme. Dans cette conjecture, très imprudemment et sans réflexion, je jetai hors de la nacelle 3 morceaux de lest de 5 livres chaque. La vitesse, dès lors accélérée, de mon ascension m'emporta, trop rapidement et sans gradation suffisante, dans une couche d'atmosphère singulièrement raréfiée, ce qui faillit amener un résultat fatal pour mon expédition et pour moi-même. Je fus soudainement pris par un spasme qui dura plus de 5 minutes, et même quand il eut en partie cessé, il se trouva que je ne pouvais plus respirer qu'à de longs intervalles et d'une manière convulsive, saignant copieusement pendant tout ce temps par le nez, par les oreilles, et même légèrement par les yeux. Les pigeons semblaient en proie à une excessive angoisse et se débattaient pour s'échapper, pendant que la chatte miaulait lamentablement, chancelant çà et là, à travers la nacelle, comme sous l'influence d'un poison. Je découvris alors, trop tard, l'immense imprudence que j'avais commise en jetant du lest, et mon trouble devint extrême. Je n'attendais pas moins que la mort, et la mort dans quelques minutes. La souffrance physique que j'éprouvais contribuait aussi à me rendre presque incapable d'un effort quelconque pour sauver ma vie. Il me restait à peine la faculté de réfléchir, et la violence de mon mal de tête semblait augmenter de minute en minute. Je m'aperçus alors que mes sens allaient bientôt m'abandonner tout à fait, et j'avais déjà empoigné une des cordes de la soupape, quand le souvenir du mauvais tour que j'avais joué aux 3 créanciers et la crainte des conséquences qui pouvaient m'accueillir à mon retour m'effrayèrent et m'arrêtèrent pour le moment. Je me couchai au fond de la nacelle et m'efforçai de rassembler mes facultés. J'y réussis un peu et je résolus de tenter l'expérience d'une saignée. Mais comme je n'avais pas de lancette, je fus obligé de procéder à cette opération tant bien que mal, et finalement j'y réussis en m'ouvrant une veine au bras gauche avec la lame de mon canif. Le sang avait à peine commencé à couler que j'éprouvai un soulagement notable, et lorsque j'en eus perdu à peu près la valeur d'une demi-cuvette de dimension ordinaire, les plus dangereux symptômes avaient pour la plupart entièrement disparu. Cependant, je ne jugeais pas prudent d'essayer de me remettre immédiatement sur mes pieds, mais ayant bandé mon bras du mieux que je pus, je restai immobile pendant 1 quart d'heure environ. Au bout de ce temps, je me levai et me sentis plus libre, plus dégagé de toute espèce de malaise que je ne l'avais été depuis 1 heure et quart. Cependant, la difficulté de respiration n'avait que fort peu diminué. Et je pensais qu'il y aurait bientôt une nécessité urgente à faire usage du condensateur. En même temps, je jetai les yeux sur ma chatte qui s'était commodément réinstallée sur mon habit et, à ma grande surprise, je découvris qu'elle avait jugé à propos, pendant mon indisposition, de mettre au jour une ventrée de 5 petits chats. Certes, je ne m'attendais pas le moins du monde à ce supplément de passagers, mais en somme, l'aventure me fit plaisir. Elle me fournissait l'occasion de vérifier une conjecture qui, plus qu'aucune autre, m'avait décidé à tenter cette ascension. J'avais imaginé que l'habitude de la pression atmosphérique à la surface de la Terre était en grande partie la cause des douleurs qui attaquent la vie animale à une certaine distance au-dessus de cette surface. Si les petits chats éprouvaient du malaise au même degré que leur mère, je devais considérer ma théorie comme fausse, mais je pouvais regarder le cas contraire comme une excellente confirmation de mon idée. À 8 heures, j'avais atteint une élévation de 17 miles. Ainsi, il me parut évident que ma vitesse ascensionnelle non seulement augmentait, mais que cette augmentation eût été légèrement sensible, même dans le cas où je n'aurais pas jeté de lest comme je l'avais fait. Les douleurs de tête et d'oreilles revenaient par intervalles avec violence, et de temps à autre, j'étais repris par mes saignements de nez. Mais, en somme, je souffrais beaucoup moins que je ne m'y étais attendu. Cependant, de minute en minute, ma respiration devenait plus difficile, et chaque inhalation était suivie d'un mouvement spasmodique de la poitrine des plus fatigants. Je déployais alors l'appareil condensateur de manière à le faire fonctionner immédiatement.